OK. Dans la deuxième partie, nous traitons sur la façon dont les sectes se développent, se construisent, un peu les dangers, évidemment, qui viennent avec. Maintenant, une secte, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse se construire, quelle est l'origine de sa création, de sa construction? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour bâtir une secte? Beaucoup de croyances. Ce qui est à la base des sectes, c'est l'assujettissement des individus à un individu. La croyance des individus à une forme quelconque de vérité. Une absence totale d'individualité. Une grande spiritualité. Le sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, plutôt le besoin d'appartenance. Besoin. Puis, l'absence de conscience des dangers à long terme. À long terme. Ouais. Puis je veux ouvrir une parenthèse sur ceci. Les hommes sont à la recherche de la vérité, c'est normal. Les hommes sont à la recherche d'un fil d'Ariane qui mène quelque part. Les hommes sont à la recherche souvent d'une famille. Une forme de famille collective. Puis, mais les hommes ne sont pas à la recherche de leur identité. L'homme n'a pas conscience, ne réalise pas qu'est-ce que c'est de l'identité. Puis, quand l'homme sera dans son identité ou qu'il aura conscience de son identité, il réalisera que quand tu es dans ton identité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin des gens autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'être en relation avec le monde. Être dans son identité, c'est pas être retiré du monde. Par contre, tu ne vis pas le besoin d'être avec le monde comme les gens le vivent quand ils ont une conscience spirituelle naïve, sectaire. Mm-hmm. Autrement dit, un homme qui est dans son identité peut avoir beaucoup de relations avec beaucoup de personnes, mais il ne perd jamais de vue son identité. Puis le problème, ou ce qui engendre des sectes, c'est que les hommes n'ont pas été mis en conscience. Les gens sont pas en conscience, sont en confiance. OK. Puis, aussitôt que tu es en confiance, d'une façon plus ou moins à long terme, d'une façon plus ou moins écoutée ou d'une façon plus ou moins longue, quand tu es en confiance, tu t'assujettis. Puis les gens qui sont à la tête des sectes sont souvent des gens qui ont des notions, des intuitions, ils ont une parole facile, ils ont beaucoup de convictions, ainsi de suite. Et ce magnétisme-là, ce charisme-là, devient pour eux une façon de magnétiser l'homme. Et c'est très dangereux de magnétiser l'homme. Ça fait leur affaire à eux, mais c'est très dangereux pour l'homme de se laisser magnétiser parce qu'il perd de son identité. Un homme, le magnétisme d'un homme, ça devrait être comme une enveloppe. C'est sa maison. C'est ses énergies. Puis, un homme ne devrait jamais laisser d'autres hommes le magnétiser. Puis, les gens qui entrent dans des sectes, ou les gens qui créent malgré eux-mêmes des sectes, sont des êtres qui ne sont pas conscients des lois de conséquence de l'acte. Que privilégie une certaine spiritualité ou une certaine forme occulte. Mm-hmm. Quand vous mettez en mouvement quelque chose sur une planète telle que la nôtre, sur une planète expérimentale, où l'homme n'est pas en conscience intégrale, vous créez des égrégores. Donc, dans une secte, le gourou, le chef de cette tribu-là, parce que c'est une tribu, crée des égrégores, et les gens se laissent magnétiser par ces égrégores-là, et éventuellement, ils perdent leur individualité, ils vivent des expériences, puis en fin de compte, ils perdent contact avec eux-mêmes. Et ça peut, dépendant de ceux qui vibrent ces énergies-là, dépendant de leur astral, vous pouvez retrouver des sectes dans le monde qui peuvent être très dangereuses et qui, ultimement, d'une façon ou d'une autre, ultimement, une secte, c'est anti-conscience. C'est pro-spiritualité, c'est pro-occulte, c'est pro-science marginale, c'est pro... c'est pro-faiblesse. Mm-hmm. Puis, donc, c'est anti-conscience, c'est anti-force, c'est anti-individualité, c'est anti-intelligence, une secte. Là, vous allez dire, bon, ben la religion catholique, au début, dans le temps du Nazarien, ça formait une secte. Mais effectivement, ça formait une secte. Mais, techniquement, on rentre dans un âge aujourd'hui, dans l'âge d'une conscience mentale, on rentre dans un âge où l'homme doit en arriver à comprendre par lui-même les mystères, pas se faire expliquer par d'autres, pas se faire appliquer, infuser par d'autres. Puis, parce que si on regarde le phénomène de la secte d'un point de vue de l'évolution, que la secte ait été créée par des grands initiés, ou que la secte ait été créée par des charlatans, ou que la secte ait été créée par des magiciens noirs, la secte demeure toujours un mouvement d'évolution psychologique et psychique qui, ultimement, enlève à l'homme l'opportunité de rentrer dans son identité. Pendant l'évolution, c'était nécessaire que certaines sectes spirituelles, religieuses se créent. Parce que ça faisait partie des plans d'évolution de la Terre, ça faisait partie du plan d'évolution des civilisations, ainsi de suite. Mais il y a une grosse différence entre des sectes qui ont été créées, puis quand je dis des sectes, je vois plutôt le mot cercle, des cercles qui ont été créés par des hommes comme le Nazarien, par exemple, que en contradistinction avec des sectes ou d'autres sectes qui ont été créées par des gens qui n'avaient réellement pas le feu sacré, mais qui avaient un sacré feu. Hein? Donc aujourd'hui, puisqu'on rentre dans l'évolution, puisqu'on rentre dans une phase de l'évolution où l'homme devient intelligent, où sa conscience mentale se développe au niveau de la science, où l'homme est rendu très avancé, à ce moment-là, c'est très important que l'homme reprenne le contrôle de son évolution individuelle, que l'homme reprenne le contrôle de ce qu'il sait, que l'homme cesse d'être affligé par des idéologies et que l'homme devienne lui-même son propre avocat du diable. Que l'homme puisse réellement regarder ce qui lui est présenté par des hommes et qu'il puisse par lui-même investiguer la réalité subliminale de ces sciences-là et qu'il puisse être lui-même à travers sa propre lumière, le juge absolu de ce qui vient vers lui et qui l'impressionne. À ce moment-là, l'homme sera libre des sectes et l'individu grandira dans une conscience très grande qui ira très loin dans l'évolution et qui éventuellement créera une race racine, une race mentale qui ne sera plus affectée par les mouvements cycliques, planétaires et cosmiques de la civilisation. Donc on aura une race racine, on aura des êtres qui éventuellement pourront travailler avec d'autres plans et qui seront capables finalement de d'épouser le mystère humain. Puis quand je parle du mystère humain, je parle du mystère humain sur le plan matériel, je parle du mystère humain en forme astrale, je parle du mystère humain sur le plan éthérique, ainsi de suite. Donc l'homme sera libre. Mais les sexes, c'est très dangereux. Puis si vous avez des enfants qui s'enlignent dans cette direction-là, faites attention. Moi, je ne pourrais jamais en public vous dire, bon ben, faites attention à ce groupe-là, ou à cette secte-là, ou à ce personnage-là, parce que c'est pas de mon ressort de juger les hommes devant les hommes. Par contre, je dis que c'est très important que l'être humain se protège contre des influences dont il ne connaît pas les conséquences. Et souvent, les gens qui forment des sectes ne sont même pas conscients des conséquences de leur acte. C'est ça qui est le plus grave, d'ailleurs, parce que un homme qui serait conscient des conséquences de ses actes, qui serait conscient des énormes forces astrales qui surgissent en lui pour le mettre en action, ces hommes-là, peut-être, s'éveilleraient un jour et briseraient ce contact avec ces plans-là. Mais ces hommes-là, souvent, pour toutes sortes de raisons, ne le sont pas, ne le voient pas, et automatiquement, ceux qui viennent vers eux, en toute confiance, se font prendre dans le même engrenage, et éventuellement, il va falloir que les gouvernements soient très rigoureux dans les études de ces groupes-là, que les sociétés se protègent et que les individus se protègent et que les familles aussi protègent leurs enfants qui souvent, pour des raisons de désordre social, pour des raisons de découragement psychologique à l'intérieur de sociétés qui ne tournent pas toujours rond, ont tendance à échanger l'environnement familial pour un environnement social plus large qui éventuellement les absorbe, les intègre et les amène à une perte totale d'individualité. C'est pour ça qu'on finit avec des phénomènes comme Corège aux États-Unis, puis Jamestown, ainsi de suite. Mais là, est-ce qu'il y a une nuance à faire entre, ou un parallèle à faire plutôt, entre un parti politique et une secte? Ben oui, une nuance, parce qu'un parti politique, c'est toujours contrôlé par des lois sociales. Un parti politique, c'est contrôlé par un système de check and balance. Un parti politique, c'est contrôlé par la presse. Donc, un parti politique, c'est un parti politique, c'est pas une secte. Il y a effectivement des partis politiques dans le monde qui sont fondés sur des cercles fermés. Les nazis en Allemagne, c'est un exemple. Probablement, ce qui se passe avec Hussein en Irak, c'est un autre exemple. Mais techniquement, dans nos démocraties, les partis politiques sont des agencements collectifs de personnes qui s'occupent à l'amélioration d'une situation sociale. Et les partis politiques font partie d'un avenue créatif utile à l'évolution sociale de l'homme. Mais une secte, quand on parle de secte, c'est plus grave parce qu'une secte est toujours fondée sur des paramètres qui mettent en relief les aspects spirituels de l'homme, la conscience spirituelle de l'homme. Un parti politique ne cherche pas à vous dépersonnaliser, si on parle d'un parti politique normal. Un parti politique sert simplement à vous intégrer dans un processus de démocratisation des valeurs humaines, ainsi de suite. Tandis que dans une secte, c'est très vampirique. Puis si les gens connaissaient les forces occultes derrière des sectes, ou connaissaient les forces occultes qui sont derrière des individus qui sont à la tête des sectes, les individus auraient grande crainte de ces sectes-là, et les individus pourraient se retirer de ces sectes-là. Mais à cause des paroles onctueuses, puis à cause de la façon très très subtile utilisées, ou les manières très subtiles utilisées par les gens qui créent des sectes, les individus naïfs, spirituels, en confiance, ne le voient pas, puis éventuellement, ils se font prendre dedans. Bon, vous avez parlé de check and balance. Les gens, souvent, qui viennent me voir, puis ils me disent, il y a un groupe aux États-Unis qui est très puissant. D'ailleurs, je parlais justement à un Mexicain qui m'a appelé dernièrement, puis il me disait, il y a un type qui travaille avec nous dans mon industrie, là, il dit... Il fait partie d'une société, d'un groupe aux États-Unis, je ne peux pas nommer. Il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, tiens-toi loin de ça. Fait que, c'est très dangereux, les sectes. Vous pourrez jamais faire l'historique à long terme d'une secte et réaliser que cette secte-là est bénéfique pour l'homme. Puis même si vous dites, il y a eu des sectes mystiques, il y a eu des sectes qui ont servi l'homme, il y a eu des sectes qui ont aidé l'humanité, oui, il y a eu des sectes comme ça dans le passé, mais les conditions sociales étaient très différentes, et même là, si on le regarde d'un point de vue cosmique, c'est-à-dire si on le regarde d'un point de vue de l'intelligence de l'homme, on s'aperçoit que les individus qui sont rentrés dans ces sectes-là, dans ces mouvements monastiques-là, ont perdu leur individualité, ont perdu leur faculté de penser créativement, ont perdu l'autonomie de leur conscience mentale, ont perdu l'autonomie de leur pensée, et ils ont été obligés de s'assujettir à une idéologie quelconque qui, dans le temps, pour des raisons historiques, servait à l'évolution évolutive de l'homme. Mais rendu à la fin du 20e siècle, c'est très dangereux et c'est très grave les sectes, et je mets le monde en garde contre les sectes, et j'avise que les gouvernements devraient s'occuper, parce que ça fait partie de leur fonction sociale, de protéger l'individu qui fait partie de leur citoyenneté contre ces groupes-là. C'est très, très important. Il va y en avoir de plus en plus aux États-Unis. Il y en a à gauche puis à droite. Puis il va y en avoir de plus en plus. Puis éventuellement, les sectes vont se transformer en religion. Les sectes vont prendre le caractère religieux pour toutes sortes de raisons. Pour des raisons de taxes, pour des raisons d'évasion de taxes. Puis il faut que les gens soient bien, bien alertés à ça. C'est très grave, les sectes. C'est très dangereux. C'est anti-homme. C'est très vu. C'est très vampirique. C'est très dangereux. D'ailleurs, toutes les sectes sont contrôlées par les forces astrales. Maintenant, est-ce qu'une secte sous-tend automatiquement une dictature? Une secte sous-tend automatiquement une dictature. Que ce soit une dictature mystique, que ce soit une dictature spirituelle, que ce soit une dictature occulte, que ce soit une dictature biblique, une secte sous-tend une dictature. Et est-ce que c'est la dictature qui rend dangereux la secte? C'est la dictature qui est le visage public de la secte. Ou c'est la dictature qui est le visage cassé de la secte. La secte peut apparaître très très douce, très très bienveillante à l'extérieur, mais dans le fond, à l'intérieur, dans son fond, dans où il y a le jaune de l'œuf, c'est là qu'il y a une dictature. Comment on peut reconnaître la dictature d'une secte? Souvent, les gens qui sont dans les sectes ne peuvent pas reconnaître la dictature des sectes parce que les gens qui sont dans des sectes ou les gens qui créent des sectes sont de grands manipulateurs. Un homme qui est moindrement en conversion avec les forces occultes, qui travaille avec les... Quand je parle des forces occultes, là, je parle pas dans le sens très occulte du terme, je parle d'un homme qui est en relation avec les forces spirituelles, des forces spirituelles, à travers la Bible, ou à travers des œuvres, ou à travers ci, ou à travers ça, automatiquement, ces hommes-là ne savent pas ce qui se passe en eux, ne connaissent pas l'occulte de leur source, ne connaissent pas les entités qui leur parlent, ne connaissent pas les entités qui leur communiquent. D'ailleurs, vous entendez souvent ces gens-là dire « Bon, mais c'est Dieu qui me parle. » Quand quelqu'un dit que c'est Dieu qui te parle, là, check tes gosses tout de suite. Ou quand c'est le Christ qui te parle ou c'est une Vierge qui te parle, ainsi de suite. Là, c'est commence à être grave. Donc, ils ne le voient pas, ils ont des blind spots, puis ces gens-là deviennent éventuellement très dangereux, puis souvent, ils sont très, très sincères. Mais la sincérité, c'est le début du danger. Il y a une grosse différence entre être sincère et être intelligent. C'est plein de monde. Quand ils disent que l'enfer est parti de bonnes intentions, là, c'est ça. Fait que c'est très grave, les sectes. Ils devraient avoir un livre écrit par un initié, ces sectes, un jour, parce que le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est des sectes. Ils écrivent des études sociologiques à l'université. Là. Ça a un certain bon sens, ça a un certain... regard utile. Mais il faut que ça aille plus loin que ça. Les sectes, il faut que ça soit expliqué jusqu'à l'os un jour. Puis probablement, si j'ai le temps, je ferai. Si, Bernard, il y a une dictature, et si encore là, derrière cette dictature... Il y a toujours une dictature. Il n'y a pas de d'ici là-dedans. Bon, OK. Il y a une dictature, il y a des forces qui manipulent un individu. Comment on peut reconnaître un individu manipulé? Un individu qui est manipulé, il va avoir confiance dans son gourou, il va avoir confiance dans sa secte, sa secte c'est la vérité. Je parle du gourou, le maître. Là. Ah, le maître. Comment tu reconnais le maître, sa manipulation? Ah, ça c'est intéressant, tu peux pas. À moins d'avoir une certaine conscience, ou à moins d'avoir été brûlé dans d'autres sectes. À moins d'avoir une expérience qui te met au parfum. C'est difficile, c'est des manipulateurs. Ouais, ouais. Un maître, c'est un manipulateur. Ouais. Un maître, c'est un manipulateur. Puis pour désecter quelqu'un, là, tu sais. Pour désecter quelqu'un, le sortir d'une secte, vous savez comment est-ce que c'est difficile? Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a quelque chose dans son mental qui se passe. C'est comme si l'individu qui est le maître, qui est possédé, en arrive à faire vibrer l'autre à la même possession. C'est ça. Est-ce qu'il y a effectivement une retransmission dans l'entité? Oui, là, de... oui. L'entité du maître est capable de contrôler les autres. OK. On peut avoir une entité pour 500 personnes. Moi. Tu travailles fort, une entité. Bon. Comment qu'une entité peut s'éparpiller sur 500 personnes? On parle d'intemporel, c'est l'intemporel. Oui, mais comment ça se passe, Bernard? Communication, la pensée. Strictement ça. Ouais. il se passe quoi, une conférence, une atmosphère, une ambiance. Ça dépend des individus, ça dépend de leur réceptivité, ça dépend de leur intuition, ça dépend de leur état de drive. Ouais. Tu sais, la télépathie, la communication d'une entité sur le plan humain, ça se fait par télépathie, ça se fait par... c'est subliminal. Puis l'homme n'est pas assez conscient pour piger ces messages-là. Fait que ça se fait tout par le truchement de la pensée. La pensée, c'est le phénomène humain, hein? Mm. Tu connais la pensée, tu connais le monde de la pensée, tu connais le monde mental, tu connais tout. Tout est là. Ça m'amène à poser la question, comment qu'un double réussit à passer à travers toutes les manigances astrales des entités? C'est très difficile. C'est pour ça que ça prend une science sur le plan matériel, pour que finalement cette science-là puisse commencer à pénétrer, puis à être utile, puis à désengager l'homme de ces forces astrales-là. C'est pour ça qu'on aura sur la Terre une très, très grande science. Ce sera à l'infini, cette science-là. Et l'homme connaîtra toute la game de ça. Fait qu'à ce moment-là, l'homme sera de plus en plus mis en vibration. Et une fois que l'homme est mis en vibration, mais il est capable de se soustraire de ces influences-là. Parce qu'il est allumé. Les hommes ont tout accès à la lumière. Par contre, cette lumière-là, quand elle passe, c'est comme le soleil. Quand il passe au travers les nuages, c'est difficile. Mais il faut qu'il passe. L'astral, c'est nuage. L'astral, c'est nuage. Est-ce qu'une personne qui est spirituelle est automatiquement plus victime qu'une personne matérialiste? Oui, parce qu'une personne qui est spirituelle est naïve. Tandis qu'une personne qui est matérielle, ce qui l'intéresse, c'est son char, puis sa job, puis elle va subir la vie, naturellement. Mais elle a des buffers. Tu sais, une personne qui est matérielle, dans le sens matériel, ces affaires-là, ça l'intéresse pas. Fait qu'elle a des buffers. Elle a des buffers psychologiques. Elle a des protections qui l'empêchent d'évoluer, mais qui la protègent contre la perte de son esprit, qui la protègent contre l'assimilation astrale, qui la protègent contre le vampirisme astral. Fait que, protégé. Les gens, tandis qu'une personne qui est ouverte, une personne qui s'ouvre à tout ce qui se passe, là, comment vous appelez ça, le New Age, là? Ouais. Le New Age à gauche et à droite, là. C'est là que les gens se font prendre. C'est une grosse affaire, le New Age, surtout aux États-Unis. C'est comme une amorce à ce moment-là. Qu'il y a un New Age, c'est évident. Il y a un New Age, mais ce que le New Age sera, et ce que le New Age, ou ce que les gens pensent que le New Age est, c'est deux pays de monde différents. Les jeunes, Bernard, qui sont, je parle des enfants de 4-5 ans, qui sont endoctrinés à travers des sectes, est-ce que c'est récupérable, ces individus-là? C'est récupérable, mais ça va être très difficile. Ça prend des parents qui sont habiles, puis ça prend des parents qui n'ont pas peur d'utiliser la loi. Faut utiliser la loi, parce que souvent, ce sont des organisations qui sont très, très puissantes. Faut utiliser la loi. Puis il y a des enfants qui sont pas récupérables, qui sont pas récupérés parce que sont trop astralisés. Fait que ça dépend de la force des parents, ça dépend de leur lumière à eux autres, si tu veux. Est-ce que toute forme de secte sous-tend un endoctrinement? Toute forme de secte sous-tend un endoctrinement, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut reconnaître un individu qui est lié ou possédé par la secte, par la forme de doctrine qui va prêcher dans un sens? Ou, m'a posé la question d'une autre façon, est-ce qu'un individu qui prêche une doctrine est sectaire? Un individu qui prêche une doctrine est sectaire, oui. Bon. Est-ce que c'est possible pour des individus d'être sectaires sans avoir de gourou? Dès qu'on prêche une idée ou si vous êtes sectaire, il y a un gourou. Parce que quand vous parlez de sectaire, vous parlez de perte d'individualité. Okay. J'ai rien que les hommes soient ensemble, puis travaillent ensemble, puis fassent des affaires ensemble, mais que l'homme ne perde pas son individualité. Faut pas que l'homme perde son individualité. Et pas perdre son individualité, ça veut dire que l'homme, l'individu qui fait partie d'une certaine collectivité, faut qu'il soit capable de mesurer jusqu'à quel point qu'il vit par rapport à cette conscience collective-là, jusqu'à quel point sa façon de faire, d'une façon intelligente, objective, qu'il soit conscient toujours des dangers astraux qui peuvent s'immiscer dans un processus collectif. Autrement dit, une conscience collective, ça s'en va toujours vers une secte. Puis ça demande des gens intelligents dedans pour la sortir. Autrement dit, c'est comme le, tu t'en vas vers le nord. OK? Puis si t'es pas conscient, puis si t'es pas conscient, puis si t'es pas conscient, puis t'ajustes pas constamment, constamment, une conscience collective, elle va devenir sectaire. La responsabilité d'un homme qui travaille avec bien du monde, c'est de toujours s'assurer qu'il s'en va toujours vers le nord. Toujours vers le nord. Parce que une secte, c'est comme un avion. Un avion, c'est toujours poussé par le vent. Faut que tu l'amènes vers le nord. Si vous pensez qu'une secte, ça n'a pas besoin d'être ajusté vers le nord, vous êtes déjà d'une secte. Si le monde, dans une conscience collective, ne s'occupe pas ensemble, qu'est-ce que là, qu'on s'en va, là? On s'en va-tu vers le nord, là? Ben, là, on dit, vis du nord, là. Puis c'est quoi le nord? C'est le respect intégral de vos individualités. Fait que si vous avez du monde dans un groupe collectif qui ne respecte pas intégralement l'individualité, à ce moment-là, même si vous avez des bonnes intentions, puis même si vous êtes, si vous dites, je suis pas intéressé à faire de ça, vous en allez vers ça, les forces astrales vont vous amener vers ça. Peut-être que pas de suite, peut-être pas dans un an, peut-être pas dans deux ans, mais moi je regarde 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Fait qu'une secte ou une conscience collective qui s'ajuste, puis qui s'ajuste, puis tout le monde s'ajuste vers le nord, qui est l'individualité de l'homme, à ce moment-là, là, c'est plus une secte. Là, c'est une conscience collective, individualisée, créative. C'est extraordinaire ce que tu peux faire avec du monde même. Mais aussitôt qu'on perd le nord, ou que un ou plusieurs individus commencent à perdre le nord, puis que d'autres sont pas capables de reprendre leur individualité, ne sont pas capables d'être vigilants pour toujours garder l'individualité, respecter l'individualité, s'assurer de l'individualité, parce que c'est seulement l'individualité qui est fondamentalement touchée. Fondamentalement absolue chez l'homme. Il n'y a pas d'autre chose que ton individualité qui est fondamentalement absolue chez elle. Fait que c'est pas les idéologies ou les formes de pensée qui sont plus ou moins ajustées, qui font partie du mental des hommes qui forment une conscience collective, ou des pensées qui viennent de plans parallèles. C'est l'individualité de l'homme qui est absolue. Puis un jour, ben, si vous êtes ensemble, puis vous formez une conscience collective, ce qui est merveilleux, mais vous perdez contact, vous perdez la notion de l'importance que chacun de vous autres, dans une conscience collective, vous avez le rôle, le droit de vous assurer que ça s'en va toujours vers le nord à ce moment-là, parce que vous avez peur de confronter l'autorité, parce que vous avez peur de confronter celui qui est techniquement le maître, celui qui est plus en vibration, ou ceux qui sont plus en vibration, vous êtes fait à l'os. Puis si vous êtes dans des collectivités comme ça, puis vous êtes en contact avec ma personne, je vous assure que je vais tout casser. Bon, comment vous cassez? Je vais casser parce que je vais aller au plus haut, puis je vais casser le plus haut pour toujours ajuster, pour toujours m'assurer que les individus sont totalement, intégralement respectés. Bon, mais vous cassez quoi? Je casse la volonté de l'autre de rester dans son astral qui ne veut pas. OK. De rester dans son astral. Si je ne le fais pas physiquement, moi, le faire, c'est clair, mais je vais le casser. Vous cassez le besoin qu'une entité a à travers un individu d'avoir non, de l'ascendance non. Ou quelque chose? Je casse les voiles, je brise les voiles. C'est-à-dire que vous donnez à l'individu qui est assujetti l'occasion de se situer ou de voir. C'est ça. Okay. Si t'es intelligent, il va voir, il va dire OK. OK. Fait que si je dis, oh, t'es rendu là, t'es rendu 20 degrés est du nord, là, ajuste-toi. OK. Fait que si t'es intelligent, ça ajuste. Si ça se tient avec moi, je casse. OK. Fait que c'est comme ça que je protège l'individu, que je protège des individus, puis que moi j'appelle. OK. Comment un individu peut se révéler à lui-même son identité pour faire face Parce qu'on a tous besoin d'une collectivité. Il faut fonctionner collectivement, matériellement, socialement. On n'a pas le choix. Mais comment on peut se révéler à nous-mêmes là, cette individualité-là? Comment on peut le faire émerger, ça? Parce que là, on part pas en fusion. Ok. En n'ayant jamais peur de quelqu'un. De confronter l'autorité. En n'ayant jamais peur de confronter l'autorité. Quand je dis confronter, je ne parle pas confronter dans un sens négatif. De faire voir. Fait que si l'homme a suffisamment de lumière, il fait voir. Ah! Fait que si l'autorité, c'est réellement de la belle autorité. Mm-hmm. Parce que de la belle autorité, de la grande autorité, c'est pas autoritatif. De la grande autorité, c'est simplement une mise en vibration de l'homme. C'est simplement une conscience qui est plus vibrante, qui est plus sensible. Il y a des âmes qui sont plus sensibles que d'autres. Okay. Ça, c'est. Donc, ça, dans le processus créatif, ça crée de l'autorité. Mm-hmm. Mais ce n'est pas de l'autorité psychologique. Ce n'est pas de l'autorité de maître. Ce n'est pas de l'autorité de dictature. Ce n'est pas de l'autorité de domination. C'est un faisceau. C'est un fort. Une autorité, c'est supposé d'être un fort. Oui, ça. Un homme qui est dans une lumière vibratoire, qui a un taux vibratoire, qui voit un petit peu plus loin, c'est un fort. Mm-hmm. Fait que c'est lui, parce qu'il voit un petit peu plus loin à travers de fog, à travers autrement. Mais, le problème, c'est qu'on parle pas de moi, qu'on parle pas de gens que je connais, on parle de ce qui se passe dans le monde. C'est plein de personnes dans le monde, aux États-Unis, en Europe, et ainsi de suite, qui sont en relation avec des hommes, qui sont charismatiques, puis qui ont de la parole, puis qui ont un bébé en main, ou qui ont quelque chose en main. Puis ces gens-là, ce sont des autorités qui dispensent. Et l'homme ne peut plus, je parle de l'homme conscient, l'homme conscient ne vivra plus demain par rapport à aucune forme d'autorité. Il vivra par rapport à un fort. Il dit, wow, je te parle, il voit ça, c'est intéressant. Mm. C'est ça de l'autorité. Autrement dit, de l'autorité, c'est très personnel. Mm-hmm. De l'autorité, c'est pas personnel. Quand ça devient personnel de l'autorité, ça devient dangereux. Et si c'est spirituel, si c'est occulte, si c'est biblique, c'est très dangereux. Donc, c'est l'impression que l'individu a un rôle à jouer pour d'autres qui fait le danger de son autorité, qui fait qu'il est astralisé. L'impression que l'individu a d'être indispensable. Indispensable à un environnement quelconque. Quoi? À partir du moment où l'individu pense qu'il est indispensable, il est fait à l'os, puis ceux qui sont vécu sont faits à l'os. C'est ça le caractère psychologique, politique, astral de l'autorité. Tandis qu'un homme qui est conscient, il n'est pas indispensable. Mm-hmm. Pourquoi? Il n'est pas indispensable, pourquoi? Il n'est pas indispensable parce qu'il n'a pas besoin de rien. Lui, il n'a pas besoin de rien. Non. Si tu... Ben, moi, j'avais pensé qu'il n'était pas indispensable parce qu'il sait que les autres vont éventuellement disposer de la même autorité que lui. Il n'est pas indispensable. Il n'est pas indispensable parce qu'il n'a pas besoin de rien. Autrement dit, tu prends un homme conscient qui psychiquement n'a pas besoin de rien. Ça veut dire quoi, ça, pas besoin de rien? Ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi. Il se définit pas par rapport aux autres. Il se définit pas par rapport aux autres. Il se définit pas par rapport à une mission. Il se définit pas par rapport à une philosophie. Il se définit pas par rapport à une idéologie. Il se définit pas par rapport à une forme quelconque d'autorité. Si moi, tu me dis, mais matin, je veux plus t'interviewer. Bon, je vais ouvrir un magasin pas d'astrait. Où tu vas trouver un autre intervieweur? Pas nécessairement. Non. Non, parce que t'es le dernier. Ah bon? Non. T'as joué à m'ouvrir un magasin patates frites? Je veux le savoir. Moi, très bien. Je fais des belles patates frites. Parce que j'ai pas besoin d'être Bernard de Montréal pour être belle à ma peau. Ah, ok. J'ai pas besoin de l'aura ou du charisme, du personnage qu'on appelle Bernard de Montréal pour être belle à ma peau. J'ai besoin de la paix pour être belle à ma peau. Mm. Parce que si je commence à continuer en public, c'est parce que j'ai la paix. Si j'avais pas peur, je me ferais un magasin peut-être. Je pourrais m'ouvrir un restaurant, je ferais des bons steaks. J'étais un bon cook. J'aurais dû faire. Quoi, je veux dire? Vraiment, tu n'as pas besoin. Tandis qu'un homme qui est dans l'autorité, il a besoin de ça. C'est ça qui est dangereux. Fait que c'est pour ça qu'il est toujours obligé d'ajuster. Puis pour moi, là, pour moi, la mesure d'un grand homme, c'est d'être capable de dire, « Oups, tu t'en vas un petit peu à droite. » Autrement dit, quand tu es conscient et tu vois, tu es capable de comprendre pourquoi est-ce que, « Oups, il y a un petit coup de vent qui amène une personne à droite. » C'est normal, les êtres humains ont de la personnalité. Bon. Mais quand tu es capable de dire à un homme, « Hop, tu t'en vas à droite. » Puis, « Ah, je m'en vais à droite. » OK, je m'arrange ça. Bon. Le capitaine, quand il dit au gars en arrière, dans le bateau, là, tasse de 10 degrés, le gars, il tasse de 10 degrés. Mm. Ah ben, si le gars, il veut pas tasser 10 degrés, à ce moment-là, lui, il est dangereux. Mm. Voilà ça? Parfait. Bon ben, un homme, pour moi, un homme qui est intelligent, là, qui travaille avec les hommes, là, tu dis, bon, tu tasses à 10 degrés, là, puis ça passe. Ça, pour moi, c'est un grand homme. La grandeur d'un homme, pour moi, est là. Mm. C'est là que je mesure. Maintenant, si on fait l'autopsie d'un gourou, d'un maître, qu'est-ce qui fait que l'individu s'accroche autant à un rôle? Qu'est-ce qui peut se produire dans la chimie de son mental? Parce qu'il donne de l'importance. Oui, mais c'est quoi le fondement de ça? C'est qu'il marque l'identité? Non, il donne l'importance, puis en tenant de l'importance, il se crée une identité, puis en se créant une identité, il l'enlève aux autres. L'homme, c'est un vampire. L'ego inconscient est vampirique. Fait que, en se créant d'importance, il enlève aux autres. Alors qu'un homme qui serait conscient, il va donner de l'importance aux autres. Il en donne de l'importance. Moi, j'appelle ça donner du crédit. Je t'en ai donné du crédit pendant des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années. C'est ça, quand t'es conscient, tu donnes du crédit. Mm-hmm. Parce que si un homme a un potentiel, si un homme a un bel ego, si un homme a une certaine conscience, à ce moment-là, tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes du crédit. Tandis qu'un homme qui est sectaire, un homme qui est gourou, gourouique ou gourouleux, il ne veut pas donner de l'importance. Il veut lui avoir de l'importance. Ça, c'est très dangereux. Donc, automatiquement, il enlève aux autres. OK. C'est son incapacité de s'effacer. C'est son incapacité de s'effacer. C'est la crainte que s'il s'efface, il disparaît. Maintenant, diriez-vous qu'un initié a l'attitude de détruire comme ce qu'il a construit? Alors que le maître, lui, n'est pas capable de détruire ses constructions. Un initié détruit toujours ce qu'il construit pour aller plus loin dans sa construction. C'est des lois que... C'est quoi la mécanique qui fait qu'on a besoin de détruire ce qu'on a construit, comme vous dites, pour aller plus loin? C'est pas qu'on détruit, on raffine. Quand tu raffines, tu détruis. Pourriez-vous l'expliquer un petit peu? Ben, quand tu raffines, tu détruis, parce que ce que tu... L'homme, quand tu crées quelque chose, initiatiquement, tu crées une femme. Quand tu crées une femme, l'homme a l'impression que la femme est stable. Elle est pas stable, la femme. Elle est temporaire pour aller plus loin dans le perfectionnement de la femme. Fait que tu détruis. T'ajustes. Détruire, ça veut dire ajuster. Puis t'ajustes, puis t'ajustes. Mais si tu parles à un homme qui est intelligent, il sait que tu détruis pas. Il sait que t'ajustes. Mm-hmm. Si tu parles à un homme qui est pas intelligent, il pense que tu détruis. Parce qu'il a l'impression qu'on retire quoi? Parce qu'il a l'impression qu'il perd du pouvoir, il a l'impression qu'il perd le contrôle, il a l'impression que c'est une illusion. Un initié, ça n'enlève pas à l'homme ce qu'il donne. Ça ajuste. Parce que l'homme va astraliser constamment ce qui vient d'une certaine conscience. C'est normal parce qu'il ne connaît pas les lois occultes de l'action. L'homme qui pose une action aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce que ça va faire dans 10 ans, qu'est-ce que ça va faire dans 15 ans. Ça se passe à tous les niveaux de notre société. Les gens, les industriels, les scientifiques qui ont posé des actes de 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, aujourd'hui, ils voient ce que ça donne. Ils n'ont pas conscience de leur acte. S'ils avaient été conscients de leur acte, ces gens-là, ben, leur source aurait dit, ben, tu peux pas faire ça en laboratoire parce que dans 25 ans, ça va faire telle affaire en société. Bon, l'homme est inconscient. Parce qu'au niveau des cercles, au niveau des groupes, au niveau des organisations, au niveau des collectivités, c'est la même chose. L'homme n'est pas conscient de ce que... L'homme ne sait pas que c'est impossible de rester à ton magnétique nord quand tu n'es pas en fusion. Fait qu'il faut que quelqu'un t'ajuste, puis t'ajuste. Quand tu as une certaine conscience, tu es capable de rester dans le nord magnétique. Tu restes tout le temps là parce que tu as une conscience vibratoire. Mais tant que tu es dans ta personnalité, tu n'as pas une conscience vibratoire, tu n'as pas de contact avec le plan mental, tu n'es pas capable de comprendre la conséquence de tes actes, automatiquement, il faut que quelqu'un dise, oh, tu es rendu à 10 degrés à l'est. Là. Si t'es grave, t'ajustes d'abord. C'est pas grave, c'est ajusté d'abord. Mais si tu n'ajustes pas d'abord, là, tu es plus grave. Là, tu es ridicule, là, tu es dans un rue, puis éventuellement, il faut que tu sois détruit. Ou la vie va te détruire. ou les événements vont me détruire. Bon, l'individu qui a à vivre dans une telle activité, vous avez dit qu'il recherchait une famille. À un certain niveau, on voit l'éclatement d'une multitude de familles aujourd'hui, quasiment un couple sur deux qui est en voie de séparation. Les gens qui ont besoin de ces noyaux de familiaux-là, ils retrouvent un intérêt, ils trouvent une certaine aisance ou même une satisfaction dans les collectivités. Comment qu'on peut départager ce que la collectivité nous apporte de bon avec le fait de développer notre individualité qui exige dans certains cas une forme de coupure ou de retrait de la collectivité? Comment qu'on peut arriver à... Parce que dans une secte, il n'y a pas juste des mauvais côtés, il y a des avantages marginaux dans un sens. Parlez-moi pas de secte. C'est le sujet de la deuxième partie. Ouais. Dites-moi pas dans une secte, il y a des avantages. Parce qu'à long terme, pour moi, dans une secte, il n'y en a pas de désavantages. Il n'y en a pas d'avantages. Quand je te regarde à long terme, il n'y a pas. Il ne peut pas avoir d'avantages quand que déjà c'est désavantageux. Ouais. Non, mais je regarde ça au niveau de la masse économique ou de l'aptitude à l'intérieur de certaines sectes. Parler de conscience collective. Vous ne pouvez pas employer le mot sexe. Si vous employez le terme sexe, ça me met en vibration puis jouer différemment. Si vous parlez de conscience collective, du monde ensemble, là, c'est que l'autre est la manche. Bon. Les gens qui viennent à nos portes de dimanche régulièrement. Qui viennent nous donner des petits pensées, ils ont des avantages à vivre dans ces conditions-là pour pouvoir maintenir ça. Tu peux pas être endoctriné au point de pas voir clair dans certains éléments. Il faut qu'il y ait un avantage, il faut qu'on t'ait donné une protection sociale pour un emploi, il faut qu'on t'ait donné à travers le regroupement une job, faut qu'on t'ait donné des éléments de survie pour juste... Je parlais d'une secte, là, ou de... Parce que la deuxième partie, maintenant, c'est le danger des sectes. Ah, je parle d'une secte, oui. Okay. En tout cas, une secte, c'est une secte, une secte, c'est anti-homme, une secte, c'est anti-né, une secte, c'est anti-individualité, pour moi, il n'y a pas d'avantage. Fait que même si t'en as temporairement, tu mets pas de valeur. OK. Bon, ça veut dire que... Parlez-moi pas de secte. Ben, on peut parler de secte. Mais je veux dire, il n'y a pas d'avantage d'une secte, parce que vous les voyez tout de suite les avantages. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y a des désavantages. Puis même si vous dites, ben je suis bien. Là, je voudrais en nommer une secte, mais je ne peux pas en nommer. Ben je suis bien. T'es bien par rapport à la secte-là, parce que tu ne sais pas d'autre chose. Okay. Autrement dit, ça, c'est comme les gens qui vont dire, les gens qui vont dire, tu souffres pas de ce que tu connais pas. Mm-hmm. Ça, je l'ai entendu souvent, celle-là, tu souffres pas de ce que tu connais pas. Mm-hmm. Bon, mais quand une personne est capable de dire, tu souffres pas de ce que tu connais pas, c'est parce qu'elle connaît rien. Mm-hmm. C'est parce qu'elle sait rien. Tu souffres pas de ce que tu connais pas. Mm-hmm. Faut dire, con! Mais d'accord. C'est parce que c'est rien. Si elle savait quelque chose, elle ne pourra pas dire tu ne souffres pas de ce que tu ne connais pas. Fait que de dire tu ne souffres pas de ce que tu ne connais pas, on est bien là dans notre petite affaire en Arizona. Il fait soleil. On mange tous les jours. Le gourou, il est fin. Il nous amène des messages d'en haut. Tu ne souffres pas de ce que tu ne connais pas, mais dans le temps, tu vas réaliser une expérience quelconque si t'es moindrement allumé. Si t'es pas allumé, ben tu vas faire partie de la secte, puis ça fait partie de ton karma. Il y a un karma d'une secte, hein? Tous les gens qui sont liés à des sectes ont des liens karmiques. Entre eux? C'est évident. Puis c'est des gros liens karmiques. C'est pour ça que quand tu rentres d'une secte, c'est tough de sortir de ça. C'est des gros liens karmiques. Mais dire une chose, c'est très intéressant pour l'homme de vivre avec l'homme, d'être en relation avec l'homme, d'être enveloppé par une sorte d'humanité. C'est très intéressant pour l'homme, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'individualité. C'est très dur de vivre sur une planète expérimentale qui est techniquement dans un état de désagrégement au niveau valeur. Puis te connecter à une secte qui va te sécuriser temporairement. Parce que vu ton individualité seule, devant toute la turbulence mondiale actuelle, c'est très tough. Maintenant, est-ce qu'il faut faire face à la survie seule? ou c'est préférable, si on est intelligent, de faire face à la survie en collectivité? Faire face à la survie, vous devriez la faire en collectivité, mais jamais perdre votre individualité. Bon, ça va... Si vous perdez votre individualité, si ça risque de saper votre individualité, vous êtes mieux de crisser ça là, puis faire votre survie seul. Parce que c'est très long, le raffinement d'une conscience collective. Il y a bien des individus là-dedans, c'est bien là. Fait qu'il faut pas que tu perdes de vue ça. Fait que ça dépend des individus. Il y a des individus qui ont plus de résistance que l'autre. Il y a des individus qui sont capables de garder leur individualité à travers une collectivité plus que d'autres. Ça dépend ça dépend du psychisme de chacun, ça dépend de la conscience de chacun. Mais techniquement, si l'homme est dans une conscience collective, et qu'il perd son individualité, éventuellement, il va être obligé de se réveiller, puis de reprendre son individualité. S'il ne reprend pas, il va être étouffé par la conscience collective, et à ce moment-là, sa conscience collective l'étouffe. Malgré lui, ça va devenir une secte. Il va en faire une secte. Vous posez une autre question, c'est une croche celle-là. Est-ce que c'est possible d'être individuel sans moyens financiers? C'est possible d'être individuel sans moyens financiers? Être individuel, c'est ta conscience. Ça n'a rien à faire avec le moyen financier. Le moyen financier, ça fait partie de ta conscience créative ou ça fait partie de tes talents. Puis une personne qui n'a pas de moyens financiers, dans le sens qu'une personne qui aujourd'hui dans le monde occidental n'est pas capable de se trouver un job, c'est une personne qui a des gros problèmes. Comment tu travaillerais comme waiter, comme taxi driver? Une personne qui n'est pas capable de se créer un moyen financier quoi pour manger, puis pour donner un toit, puis se vêtir, il manque de l'adrénaline. Puis une personne qui rentre dans sa conscience créatrice, mais éventuellement, il en arrive à pouvoir explorer toutes ses possibilités, parce qu'il a accès à beaucoup d'énergie créative. Ça, c'est la conséquence de la conscience. Mais avant ça, l'homme devrait être capable. C'est pas normal aujourd'hui dans notre société que l'homme soit pas capable de prendre soin de son linge, son loyer, puis sa bouffe. Là, t'as un gros problème. Puis souvent, ces gens-là vont aller dans des sectes pour se faire booster, littéralement. Pour se faire baisser, pour avoir un loyer, puis se faire nourrir. Ça, c'est abominable. Donc, c'est une sorte de bien-être social qui va chercher. Oui, c'est pas une sorte, c'est du bien-être social. OK, OK. C'est pas une sorte. J'essaie de doucir. Hein? J'essaie de doucir. Non, je ne sais rien. OK, d'abord, si un individu se forme une individualité, de la façon dont vous parlez, ça veut dire qu'il y a une capacité... Vraiment dit dans son individualité. Tu ne formes pas une individualité. Tu n'es pas un marbre d'or, ça. Tu grandis dedans. Au fur et à mesure où tu prends conscience de ta réalité, au fur et à mesure où tu apprends à te protéger à tous les niveaux, tu rentres dans ton individualité. C'est le résultat de ça. C'est une conséquence de ça. Donc l'individu grandit en puissance automatiquement. Tu grandis en puissance automatiquement. C'est inévitable. Tu ne peux pas faire autrement. Donc inévitablement, l'individu se tourne vers la collectivité. Inévitablement, l'individu se tourne vers lui-même. Et échange avec la collectivité, est en relation, en symbiose avec la collectivité. Mais à ce moment-là, il risque plus de se faire manger par elle. Donc à ce moment-là, il devient un système de check and balance. Par lui-même? Lui-même devient une source de check and balance. Okay. T'es un exemple. T'en es un bon exemple. T'es un individualiste invétéré. T'es tout ce qui est collectif pour toi, tu regardes ça avec des grands yeux. Mm-hmm. Bon, ben, ça, c'est ça qui t'a sauvé ton cul. C'est ça qui t'a permis d'aider bien du monde à voir le travail. C'est ça. Fait que t'es pas plus mal en point parce que tu respectes ton individualité. Au contraire, la collectivité bénéficie de cette science-là, de cette conscience-là, de ce regard-là que t'as à cause de ta sensibilité pour les hommes en attendant qu'ils rentrent dans leur propre sensibilité. Même que ça marche. Tu veux pas dire que tu détruis la collectivité, au contraire. Mais tu regardes, ça s'en va-tu à droite? 10 degrés. Quand ça s'en va à 10 degrés, tu vides, hein? Tu placotes, tu parles, hein? C'est ça que tu as à faire. Mais est-ce que tout individu qui vit son individualité va vivre ce comportement-là, va avoir ce comportement-là? Est-ce que tout être qui est individualiste, automatiquement, j'ai vu des gens qui prennent une esquive? Tout être qui est individualisé va en arriver éventuellement à chercher à travailler, parce qu'on est sur le plan matériel, à travailler avec des êtres qui sont individualisés. Quand tu travailles avec des êtres qui sont individualisés, c'est un grand plaisir. C'est extraordinaire de travailler avec des êtres individualisés. Pourquoi? Parce que tu crées, ici, tu crées des choses, tu fais des choses, mais tu ne perds pas ton individualité. C'est de l'échange. C'est du respect mutuel. Tu deviens un canal, lui devient un canal, puis vous explorez ensemble vos propres vertus, vos propres capacités créatives. C'est ça de l'individualité. Là, tu peux faire des choses socialement parlant, collectivement parlant, extraordinaire. Donc, automatiquement, Bernard, la possibilité, mais je dirais même occulte, qu'une secte puisse se créer quand il y a un individuel ou un individualiste dans un milieu donné, c'est impossible. Ça dépend, parce que un individu, tu peux avoir un individualiste dans une secte qui éventuellement va se faire rejeter par la secte, parce que la secte va le mettre à la porte, parce que la secte ne pourra pas l'intégrer. Mm-hmm. Pour qu'un individu puisse faire sauter le caractère sectaire d'une conscience collective comme ça, il faudra qu'il sache réellement ce qui s'en va, il faudra qu'il prenne de la puissance, il faudra qu'éventuellement il en arrive en confrontation directe avec celui qui contrôle la secte. Là, à ce moment-là, il la fera sauter. Là, il dissolvera la secte. Oui, s'il faut rentrer dans une secte, là, demain matin, là, mm-hmm. elle sautera demain soir. Je te donne le principe. Oui, oui, oui. Bon, c'est le comment, moi, qui m'intéresse. Comment ça se passe, là? Je te donne le principe. Oui, on pourrait savoir la formule chimique. Quel genre de conversation qui se passerait entre le langourou? Posons l'autre question, là. Non, mais c'est parce que la cassette, elle va se promener, puis il y a des gens qui vont prendre des trucs, fait que c'est... OK, invitez-moi pas dans vos sacs. Ouais. OK, vraiment, l'individualité, c'est ce que les gens cherchent. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de vivre de cette dimension-là? Parce que l'homme se refuse d'être ce qu'il est. Et il s'assoit à être ce que d'autres pensent qu'il devrait être. On prend trop de temps à regarder ce que les autres pensent de nous autres. On prend énormément de temps à regarder ce que les autres pensent de nous autres, à se plier à la volonté des autres, à se plier à l'énergie des autres. On passe notre temps à baiser le cul de l'humanité autour de nous autres. C'est clair et net. Pour tirer quel avantage? Pour tirer des avantages qui sont proportionnels à nos faiblesses, nos craintes et nos insécurités. Très, très, très net. Je ne sais pas du maquillage. C'est ça. Un individualiste ne fait aucun maquillage. Un individualiste, c'est du granit. T'sais. Un individualiste, c'est ce que c'est. Pas un individualiste dans le sens de la rousse. Là. Un homme individualisé, c'est terrible. Dans quel sens? Dans le sens que c'est comme un diamant qui peut gratter n'importe quelle surface. Qui peut faire vibrer n'importe quelle surface. Mm-hmm. Puis si elle ne fait pas vibrer, si elle ne fait pas gratter sur le plan matériel, il peut le faire sur un autre plan. Mm-hmm. La conscience est très... de l'esprit, c'est très grave, c'est très puissant. Et l'esprit de l'homme dans l'évolution deviendra très grand et très puissant. Et au cours des siècles, la civilisation se transmutera, se transformera à un tel point que l'homme n'aura même pas de mémoire de ce qu'il vit aujourd'hui. Par rapport au plan, c'est-à-dire par rapport à ce que ça peut représenter comme connexion, la source avec l'individu, l'ego, c'est quoi de l'individualité pour eux autres? Pour la mienne, ouais, pour l'individualité, c'est la matérialisation de la performance sur la Terre. De leur performance. Oui. Pourquoi vous dites performance? De performance. Les autres sont en dehors du corps matériel, sont en dehors de l'astral. L'esprit, c'est un... L'esprit, c'est... L'esprit, c'est une intelligence qui est dans l'intemporel cosmique, puis quand il connecte avec l'homme sur le plan matériel, qui fusionne avec l'homme, puis qui s'unifie avec l'homme, qui établit un équilibre avec l'homme, puis que l'homme rentre dans son individualité mentale, c'est-à-dire qu'il sort complètement des lois d'opposition planétaire par rapport à sa conscience, à ce moment-là, l'esprit agit à travers l'homme, puis l'homme agit à travers l'esprit. Fait que quand l'esprit agit à travers l'homme, l'homme devient un initié, puis quand l'homme agit à travers l'esprit, à ce moment-là, l'homme devient réellement occulte. Est-ce qu'un être individualisé est libre de tout doute? L'être individualisé n'a aucune conscience fondée sur la croyance, donc il est totalement imperméable à l'astral qui cherche à créer dans l'homme une forme quelconque d'approbation psychologique pour son ego. Donc, il est totalement irréversible et totalement intouchable, psychiquement et psychologiquement. C'est intégral. On ne peut pas avoir d'êtres qui ont des personnalités astralisées qui sont individualisées. C'est impossible. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ben, ça fait partie de l'évolution. L'individualisation de l'homme, ça fait partie de l'évolution. Et dans l'évolution, l'homme sera parfaitement individualisé et l'homme ne sera pas à aucun niveau, ni matériel, ni psychique, influençable. Sa connexion avec le plan mental et ses plans universels sera totalement télépathique, mais sera sous son contrôle dans ce sens que il aura éliminé complètement la naïveté de sa conscience spirituelle, il aura éliminé complètement la croyance, et il vibrera la pensée, et il vibrera la communication, et cette communication-là, quand il la vibrera, elle devra être parfaitement harmonisée à sa volonté planétaire, qui sera en même temps sa volonté cosmique. Il n'y aura pas de différence entre l'homme planétaire et l'homme cosmique. Il n'y aura pas de différence entre la conscience éthérique, la conscience matérielle, puis le centre de lumière qui fait partie de la liaison de l'âme et de l'esprit. L'homme sera réellement un immortel. Dans le sens que, passant du plan matériel, il passera au plan éthérique, ne perdra pas conscience, restera en communication télépathique, autrement dit, pourra continuer à vivre la communication avec les circuits universels, rentrera pas en forme astrale pour perdre le contact avec la pensée. Autrement dit, un homme qui meurt et qui continue de penser, c'est un homme qui n'est pas mort. Il est immortalisé dans sa conscience et il n'appartient pas au royaume de la Terre. Pour les plans astraux, un homme qui s'individualise, ça équivaut à quoi comme ça? Ça équivaut à une révolution perpétuelle. Pour eux autres. Pour eux autres. C'est ce qu'ils redoutent le plus. Est-ce qu'ils ont tendance à fuir ça ou à s'attaquer plus à ces êtres-là? Ça dépend de leur intensité, ça dépend de leur tête de cochon, ça dépend de leur niveau de spiritualité, ça dépend de l'autorité spirituelle qu'ils ont, ça dépend des royaumes qu'ils contrôlent, ça dépend des statuts spirituels, planétaires, astraux qu'ils ont, et ça dépend aussi de leur karma à être transmuté. On parle de l'individu qui vit ça, là. Moi. Okay. Un homme conscient, c'est plus sien qu'un être en forme astrale sur les plus hauts plans de la mort. Ça peut aller jusqu'où la science de l'astral? C'est quoi la science de l'astral, ça n'a pas de limite. Ça fait partie de la complète minimisation de l'homme, ça fait partie de la parole de l'homme, ça fait partie de son accès aux archives universelles, ça fait partie de son autorité sur les morts. Ça va jusque-là. Vous voulez dire qu'un homme conscient a autorité? Oui, il a autorité sur les morts parce que les morts ne sont pas capables de le regarder dans l'état mental de ses yeux. Ils sont obligés de se retourner le visage. Parce qu'il brûle. Il brûle. Hmm. Il brûle par rapport à quoi? Il brûle par rapport à sa lumière. OK. Donc, quand les gens vivent, je ne peux pas prendre le mot exorcisme, là, mais quand ils vivent un dégagement de certaines entités, ils vont souvent parler d'une brûlure au plexus. Mm-hmm. Ça, c'est une entité qui décolle, qui se dégage. Sur le tille. Bon, oui. Quand ça se passe, ce phénomène-là, est-ce qu'on peut dire que l'individu s'individualise? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe comme processus d'individualisation à ce moment-là? Parce que l'individualité, à ce moment-là, c'est pas une façon d'être, c'est pas une attitude, ça a l'air d'être une vibration ou un état de conscience. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est qu'il est pénétré. Il est pénétré par de plus en plus de sa lumière, de sa propre lumière. C'est cette pénétration-là qui crée un choc dans l'astral et qui force les entités à se retirer. quand une entité se retire par exorcisme ou par transmutation, c'est pas que l'entité sortit par sa propre volonté, c'est que l'entité sortit parce qu'elle est obligée de sortir. Elle n'a pas le choix. Fait que ce que l'homme vit, lui, le feu qui vit, c'est son propre feu. C'est pas le feu de l'entité. OK. Et l'entité, elle, est brûlée par son feu. Est-ce que l'entité continue d'orbiter autour de l'individu? L'entité, ça dépend de l'individu, ça dépend de sa vibration, ça dépend de sa lumière, ça dépend de sa conscience. Si sa conscience est assez grande, l'entité se replie, ou d'autres entités, parce que souvent les entités travaillent ensemble, ils se replient, puis l'homme rentre dans son individualité, rentre dans sa paix, puis éventuellement devient permanent. Dernière question. On est conscient, à travers votre instruction, des phénomènes astraux. Est-ce que, dans un laps de temps d'une vie, un individu a le temps entièrement de s'individualiser? Oui. Oui. C'est faisable. Oui. Avec l'instruction que vous avez donnée. Avec l'instruction? Oui. Pas l'instruction que j'ai donnée. Avec l'instruction. Okay. L'instruction, ça m'appartient pas. Ça fait partie de la science de l'homme. La seule chose, c'est que c'est plus facile pour moi de rentrer dans ces réserves-là, dans ces plans-là, que pour l'homme en général. Mais l'instruction, la science de l'invisible, la science des plans, jusque dans la matière, la science universelle, ça appartient à tous les hommes. C'est tout encodé dans notre lumière, ça. C'est tout. Ça fait partie de notre lumière. La lumière de l'homme, c'est de l'instruction. La lumière de l'homme, c'est de l'instruction. Donc, chez certains hommes, la lumière est plus grande, donc il y a plus d'instruction. Mais la lumière de l'homme, c'est de l'instruction. Quand un homme est dans son instruction, quand un homme est dans sa science, quand un homme est dans son autorité créative, quand un homme est dans son identité, c'est de l'instruction. Fait que s'il parle, ça vibre, puis tu vas savoir que ce qu'il dit, c'est ça. C'est de l'instruction. Fait que vous ne pouvez pas dire l'instruction que je donne. L'instruction qui passe par vous. Si l'instruction est là, c'est comme le soleil, ça, l'instruction. Bon, il y a des hommes qui vivent, il y a des hommes qui ont moins, il y a des hommes qui sont obligés de mettre des petites lunettes de soleil pour regarder le soleil, parce que ça brûle. Il y a des hommes qui sont capables de regarder le soleil sans lunettes. C'est la seule différence. Fait que vous pouvez pas dire l'instruction que je donne. C'est que je peux regarder le soleil face à face. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur, est-ce qu'il y a des gens qui descendent d'autres aspects de vie? Oh, définitivement. Pendant 2500 ans. Puis ça va aller jusque dans la science matérielle. Il y a des hommes sur la Terre qui vont créer de la musique. Il y a des hommes sur la Terre qui vont créer de l'architecture. Il y a des hommes sur la Terre qui vont matérialiser des cristaux. Il y a des hommes sur la Terre qui vont matérialiser des états de vie dans le plan éthérique qui vont être d'une sublimité, d'une beauté tellement grande qu'on appellera ça dans le temps le paradis terrestre, qui est très différent du ciel, parce que le ciel, c'est pour les ignorants, alors que le paradis...